CNews, la radio de tout ce qui se passe dans le monde. Sport, télévision, animaux, politique et tout un tas d'autres informations fabuleuses. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans DRC News avec la team de l'ITEP René Char. Salut à vous, on est avec Khalil Dine, Shamsidine et Yacine. Salut ouais. Les gars. Salut. Salut. Et moi c'est Nino. Et on est aussi avec Sylvain qui a lancé le club radio du DITEP René Char. Salut à toi. Alors on allait commencer un petit peu justement par expliquer aux auditeurs comment est-ce que fonctionne le club radio du DITEP. Alors c'est une idée qui m'est venue il y a 2 ans, parce qu'il y avait des jeunes qui étaient intéressés par le média radio. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de faire des petits ateliers à l'ITEP et puis ensuite de les poursuivre ici. Et du coup, comment vous bossez? À quel rythme? Alors c'est une fois par semaine, chacun d'entre eux individuellement prépare des rubriques, des jingles, suivant les thèmes qu'il choisit. Donc il y en a, ça peut être le sport, les animaux. Cette année, il y a beaucoup de gamers. On a des jeunes qui sont très jeux vidéo et un qui est très très football. Voilà, donc suivant leur centre d'intérêt, on adapte un peu les sujets. Et j'ai surtout donc leur montrer le montage, parce que on travaille pas mal sur le montage pour éliminer les choses qui sont pas intéressantes, qui sont trop longues, ou quand on fait des choses qui nous conviennent pas. Par exemple, tout à l'heure, on a pu voir que Yacine est très perfectionniste et il aime bien quand les choses sont bien faites comme il le souhaite. On change les musiques, on choisit les musiques, ce genre de choses aussi. Voilà, puis moi ça me permet de découvrir plein de choses que je ne connaissais pas. C'est ça, parce que alors là du coup au programme de cette émission, on va parler de Fortnite, de Travis Scott, de l'allemand, on va parler foot. Ça c'est des trucs que dans ton travail finalement tu découvres en tchatchant avec eux. Ah bah oui, parce que moi dans ma vie privée je suis pas du tout jeu vidéo ni même football, donc du coup au contact de ces jeunes j'apprends plein de choses. Je savais pas ce que c'était qu'un skin par exemple, pour moi c'était une personne, un skin, là c'est un avatar dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, ouais. Une peau, ouais, c'est ça. C'est la traduction de l'anglais. Hein. Et comment vous bossez les sujets après, du coup? Est-ce que c'est vraiment toi qui anime ça? Est-ce qu'il y a d'autres encadrants? Parce que du coup, donc, institut thérapeutique et pédagogique, il y a d'autres gens qui bossent avec vous pour écrire les textes? Comment vous fonctionnez? Non, en général, on fait ça seul avec les jeunes, mais ça peut arriver que je demande à l'enseignant de travailler sur certains sujets avec eux. Donc c'est pas arrivé avec ces jeunes-là, mais on l'a déjà fait sur des ateliers précédents où l'enseignant participait à la rédaction des textes. Là en l'occurrence on l'a pas fait, mais ça peut arriver. Allez, ça roule. Eh ben je vous propose qu'on attaque le vif du sujet. On va parler hip-hop à Lyon tout de suite sur DRC Radio. DRC Radio, la radio du DITEP René Char. Hop, et c'est toi qui commence, Khalil Dine. Tu vas nous parler de quoi du coup? Ouais, je vais vous parler de l'allemand. C'est un jeune qui a grandi dans Vénissieux. Ok. Et il a commencé le rap. Il a commencé le rap et tout. Et il s'est mis au rap. L'allemand, son prénom, il vient pas du tout de l'Allemagne. Il est pas allemand du tout. Il a grandi dans Vénissieux et on l'appelle allemand à cause de ses traits de visage. Parce que en fait, il a les yeux bleus et les cheveux blonds, comme un Allemand. Mais son vrai nom, il est pas du tout allemand. Non, non, il s'appelle. Il s'appelle Eric. Eric? Non. Non, Emir, excusez-moi, Chelabi. Ok. Et il a commencé à rapper en 2015. Il a sorti son premier album qui s'intitule En attendant l'album. Et. Ça a pas trop percé, mais l'allemand il continue, il persévère. Et il a sorti son deuxième album en 2017, qui s'intitule « Je suis l'allemand ». Et il comporte un succès retentissant. Ouais, là ça a fait le buzz. Ouais. Ok. Toi tu suis la scène lyonnaise un petit peu, il y a beaucoup de rappeurs à Lyon, pourquoi tu suis ça? Je sais pas, parce que j'aime bien, parce que mon père il a grandi dans Vénissieux et... Et du coup, voilà. C'est pour ça que t'as choisi l'allemand, c'est parce qu'il vient de la ville d'où est originaire ton père, quoi. Ouais, et puis je l'écoute tous les jours. Donc. Et ton père, il écoute aussi ou pas? Oui, il écoute non, du rap? Non, il est plus Bob Marley, lui. Ah, plus reggae à l'ancienne? Ouais, voilà. Ok. Et toi, t'aimes bien ça aussi ou pas? Ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Bob Marley. Qu'est-ce que tu retires aussi de l'allemand et de quoi il parle dans ses chansons? Tu peux nous en dire plus? Si, il fait un peu de la bio-autographie, il parle de lui, il parle de son entourage, de là où il a grandi, il parle de trois sujets autour de lui, quoi. Ok. Et maintenant, il est vraiment connu ou pas? Moi, je connaissais pas, par exemple. Ouais, il est connu en ce moment. Beaucoup, beaucoup. Il a sorti son dernier album, là, Ma vie. Il a sorti... Ma vie, le gars, il parle carrément de sa... Il raconte sa vie, voilà. En fait, ouais. Et puis là, il y a un album qu'il a sorti en 2021, que j'écoute en ce moment. Et on va passer des musiques après. Okay. L'album, il s'intitule On verra bien. C'est le morceau qu'on va passer, d'ailleurs. Ouais, voilà. Ouais. Il parle de quoi, ce morceau? De ses potes. Parce que... ceux qui seront là demain, ceux qui seront pas là demain... voilà, ceux qui seront avec lui, son entourage, quoi. Tu sais s'il a fait des featuring ou des concerts avec d'autres grands noms du rap? Ouais, il a fait un feat avec SCH, avec Sasso, et avec plein d'autres et rappeurs. Et pas Julien Marie? Si, il l'a fait, je crois. Non, il a fait avec Nio. Ah, et Nio. Jules et SCH. Ok. Julien Marie, je l'avais dit. Ouais, voilà. Et voilà, il est originaire de Vinci, j'ai tout dit. Yes. Non, t'as pas dit, en dehors de tes chansons et du rap, qu'est-ce qu'il fait, ce garçon? Ah ouais, il fait des associations caritatives, il participe à des associations caritatives et à des événements humanitaires. Et il est engagé dans les bonnes causes, comme ça? Ouais, voilà, de temps en temps, il fait ça. Voilà, voilà. Tu nous présentes le morceau qu'on va écouter, alors? Ouais. Du coup, il s'appelle On verra bien. Il s'intitule On verra bien. De l'album On verra bien. Donc, qui est sorti là récemment. Là. Ouais, voilà. Allez, on écoute l'allemand tout de suite dans DRC Radio sur Radio Dio. On verra bien qui sera là demain, quand je l'aurai perdu ou trouvé mon chemin. On a connu l'amour, on a connu les problèmes, mais quand y'a des problèmes y'a plus les personnes qu'on aime. À la fin on sera tout seul, mais aujourd'hui y'a le soleil qui donne la douceur. J'suis dans un cabriolet, j'mise à sortir, et si ça c'est qu'un rêve je veux plus en sortir. Non vas-y parle plus et laisse nous faire gamin. Elle voulait ton cœur, tu l'as mis dans ses mains. Tous les jours se répètent, c'est comme ça baba. Faut garder le moral même quand ça va pas. Y'a plus rien qui nous arrêtera. Moi je suis là parce que je veux rester. Ils sont jaloux parce qu'on reste stable. On joue pas les restes avec personne n'y vient tester. À la fin on sera tout seul. On verra bien qui sera là demain. À la fin on sera tout seul. On verra bien qui sera là demain. Dans la Canada Goose, y'a du cannabis. J'ai vidé la grégouze, on m'a dit t'as l'air triste. J'ai sorti mon caboose, ils ont zappé l'artiste. Ils m'ont demandé pourquoi l'allemand, j'sais pas c'est trop zarbi. J'ai demandé à Dieu, lui seul pour m'en sortir. On dit qu'un homme averti, il en vaut plus que 10. Y'en a qui touchent le fond avec un bac plus 6. Pendant que les autres rigolent quand on leur parle de crise. Moi j'suis refait gros, dis belgérican, quand l'Algérie gagne. On remercie Riyad Mahrez et non pas Zidane. T'es allé hooligan, j'aime quand ça régale, quand y'a de la bécane. Quand un frérot sort du trou et qu'il s'éloigne du mal. Ça rapporte zéro quand t'es gentil. Mais ça rapporte quoi de faire le bandit? On s'en fout de celui qui tire le corner. C'est la tête du buteur qu'on a en poster. À la fin on sera tout seul. On verra bien qui sera là demain. À la fin on sera tout seul. On verra bien qui sera là demain. Là demain. À la fin on sera tout seul. On verra bien qui sera là demain. À la fin on sera tout seul. On verra bien qui sera là demain. DRC, la radio de l'ITEP, René Char sur Dio. 89.5 MHz et radioaudio.org. Merci football avec Chanty Jean. On va parler foot maintenant. Match, championnat, tout le monde du foot. Ne manquez pas ce rendez-vous pour les fans du foot. Et voilà, c'est la chronique de Chamsi Dean. Salut. Salut. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme sujet de football aujourd'hui? Mbappé. Pour les auditeurs d'audio. Mbappé et le PSG, c'est oui, ça? Oui. Le match retour. Le match qui est passé. Le match donc du vendredi 24 mai 2024, la finale de la Coupe du, la Coupe de France. La Coupe de France, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu le match? Il y a eu un but de Dembélé pour le score à la 22 minutes. Après, il y a eu un but de Ruiz à la 50 minutes. Après, il y a eu un but de un Lyonnais qui avec un but de la tête, mais il était super beau ce but, j'ai il était beau. Mais après il y a eu un but. Là il y a 2-1 là. Oui, après il y a une excellente parade de Donnarumma, mais je crois c'est la même partie de sa vie. En fait, il a sauvé le match là. Ouais, parce que il a évité le 2-2 là, c'est ouais. Ça que tu dis. Ouais, ok. Parce que en fait. Il a tiré vers la lucarne, vers la barre. Dans le micro. Vers la barre. Il a tiré dans le micro. Vers la barre. Et Donnarumma, quelle arme, il plonge comme ça. Et là, moi je dis, c'est l'arrêt de la vie là. Parce que nous, le Paris, ça nous fait un tir au but. Ok. Après, je vais parler c'est tout. Bah non, parce que du coup, alors là, ça veut dire que le PSG, il a gagné la Coupe de France. Oui, et attends, je vais te dire. Ouais. Avant le match, il y a eu des joueurs de Lyonnais contre 40 biches de Paris, de fans de Paris. Ils sont bagarrés et les Parisiens, ils ont brûlé le biche de Lyonnais. Ah ouais, carrément. Oui. Et après la police il est venu pour les séparer. Après ils sont partis les Paris. Après le match a commencé, c'est tout. Parce que le match il était à Paris au Stade de France, non, ou il était à Lille. À Lille. Okay. Oui, à Lille. D'accord. Et alors Paris vainqueur de la Coupe de France, c'est la première fois qu'il gagne ou Non, la 15e fois. 15e fois le record de France. OK. Record de France, c'est le club qui l'a le plus gagné du coup. Ouais. Ok, et au niveau de la Ligue, là, il y a le championnat, tu suis ça aussi oui. Ils en sont où, Paris? Paris, je crois que c'est son premier, c'est pas, et parce que Mbappé part au Real. Alors voilà, c'est ça, c'est l'autre. Et alors, il y a le match pour la Coupe de la Ligue. Ouais. C'est Dortmund, Real, raté pas son match. Et toi, tu vas le regarder du coup? Oui. Ok. Désolé, mais c'est le meilleur match de la vie. Et alors, attends, pour revenir sur Mbappé. Oui. Ce match-là de Coupe de France, la finale, oui. C'était son dernier match pour le PSG. Oui, c'est son dernier match pour le PSG, il part au Real de Madrid. Ça, tu l'avais dit, ça. Oui, j'ai dit. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Du coup, tu disais qu'il y avait eu quand même plein de cris des supporters. Ouais, et j'ai dit Paris. Et Mbappé, du coup, les supporters, ils l'aiment bien au PSG. Ouais. Et il y a eu. Après, Mbappé. Il a soulevé la Coupe de France comme ça. Ouais. Et les autres joueurs, ils ont fait quoi avec Mbappé? Ils ont soulevé comme ça. Mbappé, ils ont soulevé. Ils l'ont porté donc en triomphe au stade de Lille. Oui. Dak, Mbappé donc qui va continuer. Toi, ça te fait quoi qu'il quitte le PSG? Bah, moi je dis, au PSG c'était son prime, les buts. Les dribbles, la vitesse, ça, c'était le moment le plus excitant du monde. Parce que vu le but qu'il a mis, il a mis un ciseau, mais moi je dis que c'est sa carrière. Il a fini au PSG, désolé, mais les gens peuvent penser, parce qu'il y a le meilleur joueur au Real. Ouais, mais en même temps, du coup, lui, tu me disais tout à l'heure en antenne, il a commencé à Bondy, il a joué à Monaco, ouais, il va jouer dans d'autres clubs encore après. Non, juste Monaco et PSG. Ok, et après, ouais, Real maintenant, quoi. Ouais. Et tu vas continuer à le suivre au Real ou pas? Ouais, je vais parler de lui, quoi, pour le match. Allez, ça marche. Et du coup, tu nous as sélectionné un morceau... Ouais, de Mbappé. Qui parle de Mbappé, ouais. Oui. Tu peux le présenter, ce morceau? Oui, il s'appelle Waka Waka Mbappé. Et du coup, c'est qui l'a fait? Pourquoi il y a un morceau sur Mbappé, comme ça? J'étais un peu triste qu'il part au Real. Du coup, ça, c'était pour lui rendre hommage aussi ouais. Que tu voulais mettre ça. Allez, c'est parti, on écoute Waka Waka, donc. Merci à toi, Shamsidine. Merci. Il a pas de cheveux et il parle comme ça. Ce n'est pas grave, il est rapide, il marque des buts. Le crâne de son daron, c'est une météorite. Ce n'est pas grave, car son daron lui donne de l'amour. Frappe de papé dans le filet. Côté gauche, il file. Samina, mina, Mbappé. Samina, mina, Mbappé. Samina, ma Mbappé. Ouais. This time for Mbappé. Samina, mina, Mbappé. Waka, waka, Mbappé. Samina, mina, Mbappé. Ouais. This time for Mbappé. Mbappé. C'est Radio Dio à Saint-Etienne et alentour. Fortnite, le jeu le plus populaire au monde. Son histoire, ses infos, son univers et tous les trucs et astuces. DRC Gaming spécial Fortnite, c'est maintenant. Et on enchaîne maintenant avec Yacine pour la troisième et dernière chronique de Bonjour. DRC Radio. Salut Yacine. Bonjour. Alors... Fortnite, il faut que tu nous expliques un petit peu déjà le contexte. Qu'est-ce que c'est que ce jeu vidéo? Fortnite, c'est un jeu de combat où il n'y a pas de sang. Quand les joueurs sont éliminés, ils sont téléportés. Il y a eu de nombreuses collaborations avec de nombreux chanteurs, joueurs de foot, par exemple. Et aujourd'hui, on va parler de Travis Scott. Pardon, je vais parler. Tu peux nous dire quand ils sont morts, ils partent où? Quand les joueurs ils meurent, quand ils sont éliminés par un joueur, oui. Ils sont téléportés par un drone un peu, qui les emmène au salon. Mais genre, c'est pas comme ça que ça se fait. Genre, ils meurent, puis il y a un écran d'affichage qui marque combien ils ont fait de kills. Les kills, c'est le nombre des personnes qu'ils ont éliminées. Ça montre leur place dans le top du jeu. Par exemple, moi, je sais pas, on va dire le top 1, c'est la meilleure place. Par exemple, si on va dire top 60, c'est l'une des pires places, par exemple. Toi, du coup, tu joues contre... Mais c'est parce que c'est un jeu vidéo, mais c'est un jeu où tout le monde joue en réseau, les uns contre les autres, c'est ça? On joue en ligne, ouais. Avec 100 personnes sur la même Battle Royale. Et voilà. Et après, il y a plein de jeux à l'intérieur, en fait. Il y a plusieurs maps. Les maps, c'est des jeux que les utilisateurs, ils ont créés. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est la façon dont ils font les choses, les créateurs du jeu. Et ce que j'aime bien, voilà. Ok. Et du coup, pourquoi Travis Scott et pourquoi Fortnite? Pourquoi c'est le même sujet là? Qu'est-ce qui fait que tu vas parler de lui? En fait, Travis Scott, je vais vous raconter son histoire et après je vais vous parler pourquoi il a fait un concert dans Fortnite. Alors, Travis Scott, il a grandi à Houston, au Texas, et c'est un rappeur américain. Il s'appelle pas Travis Scott dans la réalité, il s'appelle Jax Berman Webster II. Il est né le 30 avril 1991 et il a 33 ans. C'est une très grosse star. Ouais. Il a commencé à 16 ans en 2013. Et en 2017, il annonce son premier album intitulé Astro World. L'album sort le 3 août 2018. Et un documentaire intitulé Look Mom, I Can Fly, retraçant la vie de Travis Scott, sort sur la plateforme de Netflix. Voilà. Mais c'est quoi le rapport du coup avec Fortnite? Bah, il n'y a aucun rapport. Non, mais, avec Travis Scott. Ah oui. En fait, il y a eu un lien avec lui. Il a fait un concert. Il a fait 5 concerts exactement dans Fortnite. Où du 24 au 26 avril 2018, je crois. Mais attends, explique-moi comment on peut faire des concerts dans un jeu vidéo. Et ben, ils font une collaboration avec le chanteur. Et c'est le premier chanteur à avoir fait une collaboration avec Fortnite. Ça a été révolutionnaire. Tous les joueurs, il y a eu 27 millions de personnes qui ont regardé le concert dans le jeu. Et l'artiste en a profité pour dévoiler une chanson, une nouvelle chanson. Inédite. Inédite, voilà. Qui s'appelle The Scots, en collaboration avec son chanteur préféré, Kid Cudi. Mais alors du coup, Travis Scott, ça veut dire qu'il a un personnage dans Fortnite qui a fait un concert. Travis Scott, en fait, oui, il a créé, enfin, il a pas créé, c'est les personnes de Epic Games, c'est les gens qui ont créé Fortnite, qui l'ont fabriqué, son propre personnage à son effigie. Un personnage, en fait, c'est le skin, comme je vous ai dit au début. Donc ils ont créé un skin à l'effigie de Travis Scott. À l'effigie de Travis Scott, voilà. Alors moi, il y a un truc que je me demande. Du coup, ils annoncent un concert dans Fortnite. Il y a le skin de Travis Scott qui joue. Ok, jusque-là, je comprends. Mais c'est qui le public qui va regarder? C'est-à-dire, il faut être en direct, aller au concert de Travis Scott pendant que tu te connectes? Non. En fait, il fallait jouer pendant 3 ou 4 jours dans le jeu. Il fallait être connecté pour pouvoir voir ses concerts. Et voilà, tu pouvais acheter son personnage pendant 2 semaines, je pense. Parce que ça reste longtemps quand même un skin. Et du coup, il y a eu un medley de 10 minutes en comprenant d'autres de ses chansons que The Scott. Par exemple, Sicko Mode, Highest in the Room et Goosebumps, que je vais vous faire écouter maintenant. Tout à l'heure. Donc du coup, tu disais les skins, ils restent dans Fortnite, mais il y avait quand même un truc que tu voulais dire justement par rapport aux skins de Travis Scott, parce qu'il y a une histoire un peu particulière par rapport à ça. Parce que là, il y a la réalité qui a rattrapé la fiction. Exactement. Ouais, oui, parce qu'en fait, en réalité, en 2021, lors de son festival d'Astroworld, à Houston, sa ville natale, ben voilà, au cours duquel il se produit, 10 personnes meurent et 300, et ben, ils sont blessés. Une grosse cohue, un mouvement de foule. Oui, voilà. Ouais. Et du coup, à partir de là, il y a eu un problème dans le jeu vidéo. Il y a eu un très gros problème, voilà. Parce que du coup, ça a fait peur que ça prenne l'emprise du jeu et que les joueurs, ils arrêtent de jouer, voilà. Que ça... Voilà. Ça fait de la mauvaise publicité, quoi. Ouais. Voilà, ce que ça fasse de la mauvaise publicité. Donc, ils ont enlevé son skin et on peut plus l'acheter. On peut plus l'acheter, mais les gens qui l'ont acheté peuvent encore le jouer. Et on a une personne avec nous qui a le skin de Travis Scott, hein, Shamsidine? Oui. Alors, du coup, comment il est ce skin de Travis Scott? Pourquoi tu l'as acheté, toi? C'est un skin super rare. Bah, extra rare. Et on peut jouer avec, il tire et tout aussi. Oui. Il est dans des jeux vidéo avec des armes. Oui. Ouais. Et j'aime bien, c'est... En fait, il torchonne avec un pantalon et il est de l'ox. Ouais. Bah, Travis Scott, il est trop beau, hein. C'est un top modèle en plus. Hein. Ah, il fait des défilés de mode et tout. Il y a un joueur qui le joue. Hein, c'est un youtubeur qui le joue. Il s'appelle Wad. Et du coup, il fait des démos avec le skin de Travis Scott? Oui. Ok, d'accord, ça marche. Il s'appelle Waz. Et même il a un code créateur Waz. Ouais. Qui s'appelle WazZZ. Ouais. Voilà. Ok. Il y a autre chose que tu voulais rajouter, Yacine? Avant qu'on écoute Goosebumps, justement? Oui. Dans Fortnite, dans la réalité, quand il annonce son retour en 2022, et ben voilà, il fait des concerts. Puis en 2017. Il partage sa vie avec Kylie Jenner, qu'il a rencontré pendant le Coachella Festival. Qui est une top modèle aussi, je crois, elle. Hein. Et Kylie Jenner, alors moi je suis bien informé sur les potins hollywoodiens, elle sortirait actuellement avec Timothée Chalamet. Uh-huh. Timothée Chalamet, acteur américain qui joue dans... Wonka. Canadien. Canadien, pardon. Ouais. Et Wonka aussi. mais qui ouais. est originaire par sa famille du Chambon sur Lignon en Haute-Loire et qui est supporter de l'ASS. Tout à fait. Comme quoi, même au Canada, on peut commettre de grandes erreurs, quoi. Donc on va écouter la musique. Alors elle s'appelle comment? Rappelle-le. Elle s'appelle Goosebumps. Allez, merci à toi Yacine, on écoute Travis Scott tout de suite, featuring Kendrick Lamar, ni plus ni moins. Yeah. Those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key in Onyx, find a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text, kick game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas, yeah. We at the top floor, right there off Doheny, yeah. Oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucing in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you. Brr, brr, brr. Yeah, we gon' do some things you can't relate. Yeah, cause we from a place you cannot stay. Or you can't go, or I don't know. Oh, back the fuck up all me. Brr, brr, brr. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. I wanna press my line, yeah. I wanna press my. I wanna green light, I wanna be like, I wanna press my line, yeah. I wanna take that ride, yeah. I'm gonna press my line. I wanna green light, I wanna be like, I wanna press my. Mama dear, spare your feelings, I'm reliving moments, feeling more residual. I can buy the building, burn the building, take your bitch, rebuild the building just to fuck some more. I can justify my love for ya and touch the sky, forgot to stop the beating wall. Put the pussy on the pedestal, put the pussy on the high hoops, that pussy to die for, that pussy to die for. Heat a pipe or pick the peppers, I can pick your brain and put your heart together. We depart the shady parts and party hard. The diamond sure's the coup forever. My best shot just might shoot forever like. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. Goosebumps, Travis Scott, featuring Kendrick Lamar sur le 895 de Radio Dio. Dernière illustration musicale de ce que nous ont proposé et ont travaillé, eh bien, les animateurs de DRC Radio, la radio du DITEP René Char. C'est le final, c'est le moment de dire au revoir aux éditeurs, auditrices. Et puis au revoir tout le monde, au revoir. Dédicaces aussi. On peut faire des dédicaces. Tu peux commencer à faire une dédicace. Allez, vas-y, c'est parti, on commence par Khalil Dean. Ouais. Alors dédicace à Jason, mon pote, on est ensemble. Et dédicace à Damien, mon pote, on est ensemble aussi. Dédicace à mon petit frère Ibrahim. Dédicace à ma grande sœur, à Nan. Dédicace à... Voilà. La famille, quoi. La famille. Allez. Voilà, toujours là, toujours présente. Toi, Shamsidine ? Ah, dédicace à mes potes et à ma famille. J'aime tous. Allez, au revoir. Et j'ai mon chant du Zoton. Et Yacine ? Moi, je dis une grosse dédicace à toute ma famille, ma sœur, mon frère. Voilà. Et je dis une grosse dédicace à Benoît Sorlon. Ça roule. Sylvain, toi, tu veux faire un petit dédicace aussi ? Moi, pas de dédicace particulière, mais je voulais remercier tous les jeunes qui ont participé à l'atelier radio. C'était super. Bravo les gars, vous avez fait du bon boulot. Carrément. Bah moi, merci à vous pour ce petit moment partagé, m'avoir fait découvrir des trucs. Et puis, bah, a priori, on se retrouve l'an prochain, si tout se passe bien, pour continuer l'aventure DRC Radio. Inch'Allah. Inch'Allah sur Radio Dio. Inch'Allah. Mais avec plaisir. Allez, ciao tout le monde. Et attendez. Ouais. Une grosse dédicace aussi. Attendez, moi aussi, j'ai pas fait de dédicace. À l'ogre. L'ogre. Oui, c'est une pote à moi. Ah, ça log, y est. Log. Ouais, j'allais oublier, dédicace à Benoît Boutéon. On est là. Voilà. Merci à vous, les gars. C'était DRC Radio sur le 895. Merci, ouais, de rien, de rien. Radio Jojo. Vas-y, à l'année prochaine. À Sylvain. Sylvain, il est d'ailleurs présent actuellement. Il est présent actuellement. Parle, Sylvain, parle. Oui. Voilà, dis au revoir là. Ouais. Ah, dis au revoir, sinon tu t'avances là. Allez, salut tout le monde. Envoie de te passer là. Ciao, merci. Mettez un dernier jingle. Ouais. DRC Radio sur le 895 de Dio.